super-héros là où nous sommes. Y'a pas de super-héros ici. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. À part de jeunes gens charnés qui ont volé ses presque. On vit dans la panique, je m'attraque unique comme un sale type. Déconditionné pour ma révolte contre des types qui se la jouent. Super flic. Un coup de gyrophare et de sirène, on serre et braque. Et peu importe le niveau, on est tous issus du même sac. Mais le face à face, ça pousse des types à être armés. L'autre type en face peut commencer à s'alarmer. Ça rend malade, y'a pas de sens, on est tous dans la même salade. Le genre, l'histoire et la fin, trois types t'emmènent faire une balade. Il écho, presto, l'air mauvais, pas réglo. Les regards croisés glace pour une histoire de mots. Accompagné de gars déterminés, pose pas de questions. Déplacement, mon tarif est double pour donner la leçon. Garçon, fille ou garçon, car au malin qui déteste tes proches et place des pions chez ton voisin. D'un côté des textes bibliques, non, de l'autre à physique. Beaucoup plongent, chaque baissé et pleure, d'ici on perçoit leurs cris. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. Y'a pas de super-héros ici. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. À part des liens solides. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. Y'a pas de super-héros ici. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. À part des jeunes acharnés qui ont volé ses plaques. Dis-moi tel quel toi, sûrement le boss des boss dans Tekken 3. Le genre de gars qui bouffe à haut de type juste pour le week-end quoi hein. C'est vrai que t'es fort en tape mais y'a toujours un mec. Y'a toujours un mec qui fait un parcours de casse, toujours un bec. Et quand y'a confrontation, ça demande la concentration. Gauche, droite, hypercute. Ouais faut bien qu'on s'entraction. T'aimes la bataille, y'a de bad guy, les autres sont pas de taille. En plus tout le monde dit qu'à l'entraînement t'es un bad style. Y'a toujours un mec, y'a toujours un blême. Et même un super héros s'en sort pas toujours indemne. Un constant c'est sûr mais pour toi faut bec un jour ça. Quand te pète les reins, la rate, tout le rituel de l'asphalte. Si ton honte saute, on efface tes traces comme un dossier classé. Ton dossard de loser, cahier du bif, blasé, endossé. Au gueule de gamme, au goût qu'on gomme la crème du hit. Tes tripes se répandent, c'était à prévoir un jour qu'un rageur te nique dans un full bled. On te fait pisser le blood, ta vie tombe en rate sur la corde raide. T'auras même pas le temps de voir apparaître tes rides. Y'a pas de surhomme, mais un paquet de tarés, crari, qui raconte leur histoire en série. Et ça, c'est sûr, hein. Y'a pas de super héros là où nous sommes. Pas comment. Y'a pas de super héros. Y'a pas de super-héros là où nous sommes, à part des liens solides. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. Y'a pas de super-héros ici. Y'a pas de super-héros là où nous sommes, à part des jeunes gens charnés qui ont volé ses presque réussis. On tient Paname en respect avec de la poudre et des billets. Jadis à une sombre époque sur des bûchers, des noirs grillés. Sacrement, dogme acre. Purification des rangs à boxe, dit mental d'une intox occidentale. Le simple constat de notre condition fait qu'une lame guette chaque âme. Donc qui dit à l'homme, aime ton ennemi là où nous sommes. Attente à sa vie, la mort frappe sans préavis. Mais reste la flamme intense qui brûle et pousse mes nerfs à vie. Acide, pas calme et taille à taille. Des en cas de conflit, conflit si on suit ma vie. Mon seul bien n'a rien de bandant. Mais autant si quand on est temps qu'on estime qu'elle est tendue. Y'a pas de super-héros, et ça je le sais. Mais tant qu'on évaluera l'étendue de ma force, COF 12. J'aurai un mot à dire. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. Pas comment. Y'a pas de super-héros ici. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. À part des liens solides. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. Pas comment. Y'a pas de super-héros ici. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. À part des jeunes gens charnés qui ont volé ses presque réussis. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. Pas comment. Y'a pas de super-héros ici. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. À part des liens solides. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. Pas comment. Y'a pas de super-héros ici. Y'a pas de super-héros là où nous sommes. À part des jeunes acharnés qui ont volé ses presque réussis.